Bonjour à tous les bonitos, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Jogging Bonito. La torpeur de l'été a failli vous priver de votre podcast préféré ce mois-ci, mais c'était sans compter les pouvoirs extraordinaires de David et Emir qui ont réussi à écrire leur chronique en temps record. Faut dire, on en a un qui n'est jamais en manque d'idées et un autre pour qui l'inspiration vient avec la pression. Le mix parfait. Ça vaudrait presque une médaille. Mais bon, après toutes nos discussions, je sais même plus s'il la prendrait bien ou mal cette médaille. On se retrouve donc pour un épisode classique, entre guillemets, après toutes les petites surprises que l'on vous a faites sur les deux précédents épisodes. Pas d'invités, juste nous trois, deux chroniques d'Emir et David, et roule ma poule. Emir et David, salut à vous deux, heureuse de vous retrouver avant les vacances. David, tu vas bientôt partir te dorer la pilule. Et quand je dis bientôt, c'est dans quelques heures en fait là. C'est juste après l'enregistrement en fait. C'est ma conscience professionnelle, tu vois, et tout ça. Donc je suis là. Bon. Il est génial. Toujours. Emir, salut, comment tu vas toi? Les vacances vont être consacrées à l'entraînement pour l'UTMB, non? Pas forcément, non. Il va falloir que je le cale quelque part. Hein. Mais bon, il y a déjà un peu du fond qui a été fait cette année. Je vais essayer d'entretenir un peu avec des entraînements. Mais non, les vacances ne seront pas consacrées à ça. Ah, bon, très bien. Un peu de repos quand même, hein. Il en faut. Aussi. Tout à fait. Alors passons maintenant aux choses sérieuses. Mm-hmm. Pour accompagner nos bonitos lors de leurs vacances, les deux thèmes de discussion du jour sont les suivants. La multiplication des données accessibles à tout un chacun. Et le monde merveilleux dépeint sur YouTube. T'as retapé mon titre, en fait. Non, c'est juste que je ne l'avais pas au début. C'est pour ça. J'ai compris. Ok, bon, ça nous dit bien ce programme, c'est cool. Moi, je n'ai pas compris le titre de ma chronique. Non plus, en fait. Le monde merveilleux des quoi ? C'était pas un titre, c'était juste des thèmes. Ah, mais c'est le monde merveilleux des quoi, on a dit ? Le monde merveilleux dépeint sur YouTube. Dépeint ? Dépeindre quelque chose. Ah, dépeint, le verbe. D'accord, pardon, j'ai cru du pain, tu vois. Genre, j'ai cru qu'on a. Mais non, c'est pas ça. J'ai dit pourquoi il parle de pain, Margie. Bref. Oh là là. Ça commence bien, c'est n'importe quoi. Et on va commencer avec David. Cher Bonito, si vous ne nous avez pas encore rejoints sur Discord, sachez que vous loupez pas mal de choses. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, une demande d'info lancée par Rémi, ceux qui nous suivent depuis le début savent de qui je parle, notre Rémi, ancien chroniqueur de Jogging Bonito. Donc une question de Rémi a suscité quelques échanges sur Discord et a fait germer l'idée d'une chronique chez David. Sa question portait sur un capteur de puissance en courant. Et d'ailleurs, Rémi nous avait déjà partagé son amour des données relatives à la course à pied dans l'épisode pilote de Jogging Bonito. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le réécouter. Donc un énième capteur, une énième donnée à analyser, un énième gadget qui coûte la peau des fesses, et des chiffres, encore des chiffres. David a fait une overdose. Et les nombres, les chiffres, on est bien d'accord. Hein. Tout est nombre, même Dieu, comme le pensait Pythagore avant de me casser personnellement les bonbons 2500 ans plus tard. Donc, savez-vous qu'il y a 1400 astéroïdes qui se baladent au-dessus de nos trombines et menacent de nous percuter ? Non ? Eh bien... Pas vraiment. Voilà. Eh bien, ça m'étonne de vous. Eh bien, j'espère qu'il y en a un qui aura la bonne idée d'atterrir sur le blast de celles et ceux qui passent leur temps à nous inonder de leurs chiffres et leurs stats de course à pied, parce que JPP, comme on dit sur Twitter. JPP. Eh oui, j'en peux plus et mon allergie ne date pas d'hier. En effet, en quatrième, après avoir pris conscience que j'étais l'élève le plus nul en maths du collège, j'ai assumé la responsabilité de cet échec et tiré les conclusions en me retirant définitivement de la vie mathématique française. À partir de cette époque, je ne sais pas si elle perd grand-chose, la mathématique, mais bon. À partir de cette époque, j'ai développé les plus grands stratagèmes pour intercepter avant ma mère les bulletins scolaires qui arrivaient par la poste. Encore une conséquence de cette répulsion pour des chiffres qui, il faut bien l'avouer, ne jouaient pas forcément en ma faveur. Bref. Les hasards de la vie, figurez-vous, ils m'ont conduit ensuite à démarrer ma carrière comme employé d'une banque. Hein, quelle ironie, quoi. J'aurais bien aimé voir ça. Hein. Ma dégaine. Ouais. En fait, 15 ans plus tard, quelques personnes à qui j'ai placé les produits financiers doivent souvent penser à moi. Chaque mois, je crois, en fait. J'en profite pour les saluer et leur dire qu'on croyait tous pourtant aux actions Eurotunnel. Mais ça, c'est du passé. Heureusement, pour le CAC 40, j'ai changé de travail et je n'ai plus trop de rapport avec les mathématiques. Même pas besoin d'employer des techniques sophistiquées que je ne maîtrise pas comme les produits en croix. Ouf. Alors, ouais, ça c'est le truc high level. High level. Eh ben pour moi, c'est high level. Jamais compris. Bref, excusez-moi. J'avoue qu'à cette période, j'ai commencé à me sentir mieux dans ma vie. Ce qui m'a donc permis d'avoir l'esprit libre pour me consacrer à une passion. Et j'ai donc découvert la course à pied. J'aurais pu faire du boomerang, des fléchettes, de la boule lyonnaise, de la luge ou du rodéo. Mais non, j'ai choisi un sport dans lequel tu passes ton temps à calculer de la vitesse, des allures moyennes, des pourcentages de VMA et tout ça en plein effort, dans un cerveau pas toujours très bien irrigué, histoire de rajouter de la difficulté. Sans compter qu'on couvre des distances qui ne sont pas toujours des chiffres ronds comme 42 195 km. Le bordel quoi. Et puis va déterminer l'allure que tu dois tenir si tu veux terminer en 3h15 par exemple, alors qu'il te reste 17 227 km à parcourir. Ou dans un trail quand en plus l'organisateur a oublié de dire qu'en vérité il y avait 3 km en plus. Je m'imagine parfois si à la banque j'avais dû calculer des taux d'endettement tout en étant à 150% de ma VMA. Pouf. Bon, aujourd'hui les coachs sont devenus ringards, ce sont des data scientists. Mais bon, on est sauvés, vous me direz, il y a les outils qui vont bien, les montres ou les applications qui font le boulot pour vous. Et ça m'arrange, moi qui m'inflige le double des séries prévues dans une séance parce que j'ai du mal à les compter. Mais je sais pas pourquoi. Des boîtes innovantes in the fly ont décidé que nous n'avions pas encore assez de données à disposition pour faire notre footing du dimanche pépère avec Médor. Peut-être pour satisfaire les mecs de Matsup qui n'ont aucun problème à faire leurs calculs, la tête en surchauffe, en pleine montée à 40%, qui poussent leur cardio à 235 BPM. Voilà, donc dans les rayons, tu trouveras désormais des capteurs pour mesurer la puissance développée par ta foulée, pour mesurer ton taux d'acide lactique, voire des appareils pour optimiser ta coupe de cheveux, quelle longueur acceptable, de quel côté placer la mèche afin de rester efficace à l'entraînement sur piste. Je crois que ça, ils kifferaient les athlétos. Enfin, déjà que j'ai peur de passer mon compte Strava en premium et de dégueuler des graphiques et des données, il y a l'industrie qui arrive avec ses canines pour foutre le dawa, comme dirait Passy, dont j'ignore la VO2 max. Voilà, pour démocratiser les outils innovants et nous les rendre presque indispensables à nous, les fragiles. À une époque, qui n'avait pas son électrostimulateur pouvait se retrouver avec un pouce maléfique qui lui était adressé par Grace Musso dans Parker Lewis ne perd jamais. Vous la connaissez cette référence? Vous êtes trop jeune. Ah si si, je connais Parker Lewis ne perd jamais, mais je me souviens plus du truc là. Mais oui, la CPE, comme je sais plus comment on appelait ça, la principale, avec son pouce, elle te convoquait et puis t'en ressortais avec claquement de porte, vitre brisée, etc. Ah oui, tout à fait. Ouais, c'était voilà. Mais ça, Emir, ouais, il connaît pas, Emir, il est trop jeune. Non, ça, j'avoue trop que jeune. Là, vous m'avez perdu. Là. Là, franchement, t'as raté un truc super. Mais bon, bref. En tout cas, si tu regardes, tu comprendras mieux mon style vestimentaire. Ouais, bon. C'est vrai, en plus. Ou coupe de cheveux. Voilà. La multiplication des données, des chiffres, des programmes, des paramètres, c'est une approche scientifique excluante pour les mecs de mon espèce qui ont du mal à tout mettre en perspective. À la limite, si ce n'était qu'une victoire des mathématiques, je ferais ma vie comme d'hab et je mordrais à l'hameçon de temps en temps en investissant dans un de ces outils dont je n'utiliserais que, enfin, pas 5% des fonctionnalités. Mais c'est aussi une victoire des sciences économiques et du business. L'attrape-couillon, c'est l'illusion d'être un petit pro en échange de tes euros. C'est là l'astuce. Merci les réseaux sociaux. Qui n'a pas envie d'être un petit, enfin, dans la peau d'un petit pro en même temps, hein ? Donc si tu succombes, tu passes à la caisse, tu paies en 3 fois sans frais, tu fais un crédit à la consommation. Et oui, les inégalités, tu les observes aussi dans la course à pied. Quand j'annonce à la famille attablée que c'est un sport qui ne nécessite pas grand-chose à part un t-shirt, un short et des baskets, ben j'ai ma dulcinée qui tousse, quoi. Voilà. Notez que personnellement, je profite des soldes, mais qu'à chaque saison, je me sens minable quand je dois retirer 40% à 90,95€. Voilà. Sortez les calculatrices. Voilà. En pensant aux sommes dépensées pour s'infliger de nouveaux chiffres, ben je vacille. Bon, Après, ça c'est personnel, on fait ce qu'on veut avec son argent qu'on, avec l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Il n'est pas non plus question de parler d'utilité. Hein, moi je conçois qu'on puisse aimer les jouets ou ça, s'épanouir à travers la maîtrise des données, il n'y a pas de problème. Après, si l'idée c'est d'aller vers une objectivité du résultat, de la rationalité, en quelque sorte de mesurer sa productivité, hein, et réduire la part d'intuition et des incertitudes, ben, ça m'excite moins personnellement. Hein. Je tiens encore à la surprise et, comme on dit, à la glorieuse incertitude du sport. Le stratège avec Brad Pitt. Vous connaissez ce film, c'est Moneyball, je crois. Non ? Ben, c'est un film qui, justement, qui parle de ça. Ça parle de baseball et ça parle justement de cette maîtrise à travers ce qu'on appelle la sabermétrie, je crois. Voilà, donc c'est utiliser le bon joueur au bon moment, avec tel stat, machin. Enfin bon, c'est tout optimisé. Voilà, ça, c'est un film qui a beaucoup fasciné, mais moi, personnellement, ça m'a effrayé. En revanche, je comprends qu'on puisse voir une fonction esthétique, une contemplation, une fascination dans la visualisation des statistiques. Bah, ça, je peux le comprendre. Et c'est un truc de collectionneur, en quelque sorte. Et là, je fais un petit clin d'œil à Rémi, NFKB sur Twitter, notre ancien chroniqueur, et voilà, que je reconnais un peu dans cette description-là. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà, il m'en excusera. Il y a quand même un dernier truc qui me gêne avec les données qu'on tire de ce que j'ai envie d'appeler des capteurs intimes en vente dans tous les sex shops de runners. C'est le fait qu'on les partage, ne serait-ce que les données de fréquence cardiaque par exemple, je trouve ça finalement assez sensible en fait. Peut-être que ça peut traduire des pathologies, j'en sais rien, ne serait-ce que l'état de forme du moment, ça peut être touchy quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis bon, c'est pas comme si tout n'était pas déjà assez chiffré aujourd'hui, quoi. Ton chiffre d'affaires, si t'as une boîte, tes objectifs au travail, tes indicateurs de performance, le montant de tes primes, voilà, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'était une chronique un peu à l'arrache, hein, j'avoue, hein, et sur ma lassitude envers les chiffres. Demain, moi, je me lève à 8. J'ai 1000 km à faire pour rejoindre mon lieu de vacances. Sur la route, je ferai réviser ces tables de multiplication à mon fils qui m'en voudra à vie. Mais on s'en fout, hein. Enfin, sur le maillot, maintenant, on a 2 étoiles. Vive la France, vive la République. Bravo l'équipe de France. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ça va aller, je crois. Ça va tout là, parce que. Ouais. En plus, on n'était pas du tout ensemble, je crois, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que les bonitos auront apprécié. Ah bah, forcément. Ce petit. On n'était pas forcément très juste non plus. C'est pas grave non plus. Non, mais on a failli partir sur le couplet, ça aurait été pire. Heureusement, ça a Heureusement, été avant. Heureusement, ça a été. On a été sages. First, I was afraid. I was petrified. Ouh. Ah merde. Il le fait. Je m'arrête. Là, il le fait. Ok. Bon, David. Oui, c'est moi. Soyons sérieux. Il me semble important que tu saches que nous sommes en train d'enregistrer l'épisode 18 de Jogging Bonito. Appeler les pompiers. 19e épisode de ce podcast, comprenant un épisode 0. Qu'en moyenne, la durée d'un épisode est de 1h, 11 minutes et 3 secondes, mais qu'il nous faut 3h et 44 minutes pour boucler un enregistrement. Que les bonitos qui nous suivent depuis le début ont eu le privilège de nous avoir dans les oreilles pendant un total de 23h, 41 minutes et 14 secondes. Et qu'il me faut toujours ajouter plus ou moins 6 jours à la date annoncée de remise des chroniques. Surtout pour la tienne. Je vais te laisser donc analyser ces données. Ouais, on peut plus, franchement, je transpire. Enfin, c'est invivable pour moi. Je crois que vous allez continuer l'épisode sans moi. Oh non, allez, reste. Et avant de partir, quand même, j'ai envie de te poser une question là, pour démarrer un petit peu la discussion. Et à Emir, pareil. Il y a quand même un chiffre, ton chiffre préféré dans la course à pied, c'est quoi ? Mon chiffre préféré, je crois que c'est le nombre de kilomètres. Ok. Voilà, parce que je pars très souvent ouais, avec l'intention de faire un nombre minimum de kilomètres, en vérité. Mm-hmm. Donc, je regarde surtout ça, quoi, en vérité. Voilà. Ok. Et toi, Emir, s'il fallait retenir un seul chiffre pour la course à pied ? Je sais pas, mais quand t'as dit ça, le premier truc qui m'est venu, moi, c'est le nombre de kilomètres du marathon. 4295, ah ouais, je croyais que tu cherchais un chiffre, genre un chiffre qui m'évoque la course à pied, tu vois. Mais pas une métrique à mesurer. Mais si on parle de métrique à mesurer, je pense que je réfléchis beaucoup en allure, en minutes par kilomètre. Ah ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc un exemple étant 5 minutes par kilomètre, qui est égal à 12 km heure, par exemple. Mais je réfléchis beaucoup en minutes par kilomètre. Ah ouais, kilomètre, bah parce tiens, que... je savais même pas. Voilà, ouais, ça devient trop complexe pour moi, en fait. Ouais, moi aussi. Les montres affichent beaucoup ça, c'est peut-être pour ça aussi. Les montres affichent souvent cette notion de minutes par kilomètre. Le 10 à l'heure, par exemple, c'est 6 minutes par kilomètre, ce qui est logique hein, quand on refait un tout petit peu de calcul. Moi, je suis plus sur les allures, mais pas sur les kilomètres heure. Hein. Ça, je sais pas du tout. T'es en miles. En plus, t'es en miles et tout. Ouais, quoi, déjà, je suis en miles. Mais voilà. Mais je suis en minutes par mile, moi, et après, par contre, j'ai aucune notion de vitesse. Hein. Enfin, de la kilomètre heure ou le... miles par heure ou je sais pas quoi, ça je... Vous m'avez perdu. Et on peut pas l'éviter si on a une montre en de course à pied, on a forcément des données derrière, et vous en faites quoi de ces données? C'est quoi votre rapport aux données en course à pied? Moi, mon rapport, il est simple, c'est j'ai un... j'allais dire il est minimaliste, mais pas tant que ça finalement, parce que j'ai un Strava. Ouais. J'ai un Strava, je synchronise mes données avec ma montre. J'ai accès à mon petit journal de bord. Je suis assez attentif, on va dire, à mon nombre de kilomètres, mon volume d'entraînement à la semaine. Mm-hmm. Je fais attention à ça. Qu'est-ce que je fais je regarde quand j'ai des séances un peu spécifiques. J'aime bien un peu regarder les allures, si elles ont été bien tenues et tout. Ça me fait du bien. Tu parlais de rapport aux données. Récemment, j'ai mis mon Strava en mode privé. Ouais. Je suis pas trop dans le délire. Hein. Il faut pas partager ses données, machin. J'ai un Facebook, tout ça. J'ai pas de soucis. Mais après, je me dis, c'est vrai. Enfin, où je cours, quand je cours, ce que je fais, etc. C'est aussi bien que je le partage pas, quoi, tu vois. Ouais. Ça me va pour moi, c'est bien. Mm-hmm. Et il m'arrive de temps en temps de mettre en public des séances quand je cours avec d'autres personnes, par exemple. Ouais. Voilà. J'allais te dire, ouais, comment tu sélectionnes celles que tu mets en public et en privé? Parfois, c'est un peu au feeling, hein, mais là, en tout cas, je l'ai mis par défaut en mode privé. Mm-hmm. Voilà. Mais du coup, tu le mets en privé, c'est juste par rapport au fait que t'as pas envie que les gens sachent... parce que ça peut être dangereux, moi je me pose souvent la question de quand tu vois le parcours ou quand tu vois quand tu cours, etc. Ouais. C'est plus ça. C'est pas une question de pas partager tes allures ou pas partager. Non, il y a de ça un peu parce que ça, forcément ça peut mener à la comparaison. Ouais. Voilà, donc ça m'a un peu lassé avec le temps, j'avoue. Mais aussi, j'avoue que le parcours, le lieu d'entraînement, j'aime de moins en moins le partager parce que. Je trouve que parfois c'est un peu indiscret, quoi. Enfin... Ouais, bon, ça, c'est une petite parenthèse par rapport à la discussion qu'on a, mais moi, je suis d'accord avec ça. Ça m'a toujours choquée et je me suis dit, mais ça n'embête personne, quoi. Sur Garmin ou tout, on a toutes nos... Du coup, on voit où on habite, forcément, quoi. On sait quelle heure, parce qu'on est quand même des creatures of habits, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va toujours courir à telle heure, etc. Et je me dis, c'est hyper dangereux, quoi. Je sais pas, ça embête personne de montrer. Non, mais je sais pas si j'ai déjà sorti cette vanne là, vous m'en voudrez pas si je la répète, mais il m'arrive fréquemment de déclencher ma montre en face de chez quelqu'un que j'aime pas trop. Comme ça, si quelqu'un veut me casser la gueule, n'importe quoi, ils attendront à la mauvaise porte. Voilà, il s'en prendra à quelqu'un que j'aime pas. Voilà, c'est une façon d'optimiser un peu. Parfait, super. Et toi, Emir, ton rapport aux données? Donc, tu as forcément aussi une montre pour courir, j'imagine. Et du coup, tu as des données. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu regardes? Il a une pendule autour du cou. Flavor Flav, Public Enemy. Ouais, j'ai une montre. Ouais, j'ai bien une montre. Mais au cours de ma pratique de la course à pied, j'ai vachement évolué mon rapport. Mon rapport aux données a vachement évolué. Je pense qu'au début, je m'y intéressais pas mal. J'aimais bien cruncher un peu les trucs. Après, je me suis vite rendu compte que j'étais pas forcément un coureur régulier qui allait faire des progrès réguliers. Donc, quand tu te rends compte de ça, quand je me suis rendu compte de ça, en tout cas, j'ai un peu perdu l'intérêt pour les données parce que je me suis dit, ça sert à quoi que je mesure quelque chose si je suis en gros un foutu de tenir une régularité. Donc, du coup, ça devenait plus quelque chose de logué, une sorte de journal où je me disais que je reviendrais sur une séance si ça m'intéressait. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que sortir avec une montre, ça m'intéresse que moyennement. Et les seuls moments où la montre m'intéresse vraiment, et où je m'en sers vraiment aujourd'hui, c'est quand je suis sur une course très longue, hein, mes trois derniers ultras, en fait, je crois que c'est les seuls moments où j'ai vraiment pris ma montre. À l'entraînement, je l'oublie quasiment tout le temps, enfin, je m'en fous, en fait. Limite, j'ai la flemme de, de mettre les satellites à jour, et du coup, je sors sans, quoi. Et enfin, ça me dérange plus. Mm-hmm. Et en fait, pourquoi ça me sert sur Ultra, c'est parce que, en fait, ça m'indique, j'ai une idée vague, enfin, ou pas si vague que ça, de où est le prochain ravito. Mm. Et comme c'est important... Okay. Donc, en fonction du nombre de kilomètres où tu en es, etc. C'est ça. Je compare ça au roadbook, ouais. Et ça me donne à peu près combien de temps il me reste avant le ravito suivant, ce qui est utile mentalement pour moi, pour gérer des courses longues, en fait. Ouais, et puis aussi, je vais te donner une petite astuce, ça t'aidera sur l'UTMB pour éviter les barrières horaires. Ah oui, bah ça, tu peux en être sûr que je vais m'en servir de ça. Ouais. Mais on n'en reprendra pas deux fois, celle-là. Ah bah non, bah t'inquiète, j'espère que non. On est d'accord qu'on a beaucoup de données. Est-ce qu'on en a trop de données, finalement? On a énormément de données. Et je pensais à un truc, justement, là, en ce moment, au moment où on enregistre, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, le Tour de France. Vaguement. Ah, ouais, vaguement. Et eux aussi, je crois qu'ils sont vachement dans les données, en temps réel et tout, quoi. Et en plus de ça, ils sont équipés ouais. d'oreillettes, quoi. Et donc il y a vachement de données, même le coureur, en fait, lui, ben, il obtient, enfin, il fait ce qu'on lui demande, quoi. Et du coup, c'est vrai que depuis que ça existe, ben, moi je suis plus le Tour de France, quoi, depuis qu'il y a des oreillettes partout. Alors c'est vrai, il y a certains ouais. disent que ce serait pareil s'il n'y avait pas les oreillettes, mais j'en sais rien, moi, mais perso, j'ai l'impression qu'il ne se passe plus rien depuis, quoi. Donc c'était ma petite réplique un peu populiste là, mais on a tellement de données que effectivement tout devient un peu machinal un peu, quoi. Mm-mm. Ça c'est moi ça, je regrette, quoi. Bah, ça pose deux questions. Déjà, on a beaucoup de données. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on sait les analyser? Les gars sur leur vélo, par exemple, tu dis ils ont une oreillette, ils ont des mecs pour leur dire il faut faire ça, ils vont les analyser pour eux. Bon, même eux savent certainement les analyser aussi, quoi. Mais nous, en tant que coureurs lambda, est-ce qu'on sait les analyser, ces données, finalement? Je pense qu'il y en a qui savent, mais pas tous. Notamment, je discutais il y a quelques temps avec une personne qui avait... une Garmin, c'est quoi le modèle, là? La Garmin du Turfu, là. Pas la Phoenix, mais le modèle d'à côté, là. Les Forerunner, peut-être. 920 XT, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, bref. Et le machin, en fait, dans l'appli, te sort des données qui sont assez ouf, du genre, est-ce que ton pied gauche et ton pied droit ont une sorte de symétrie? Est-ce que t'as le même nombre de foulées à la minute du pied gauche ou du pied droit? Enfin, bref, je sais plus, j'ai pas envie de dire trop de bêtises. Mais en gros, il y avait des trucs tellement avancés que je me dis, pour vraiment interpréter ça, je pense qu'il y a une toute petite proportion des acheteurs de ce genre de montres qui exploitent vraiment ce genre de données. Exploiter veut dire pas juste le regarder une fois et se dire que c'est rigolo, mais plutôt en faire quelque chose et essayer peut-être d'orienter son entraînement en fonction d'eux. C'est vrai que là-dessus, je pense que voilà, les montres vont tellement loin, les fabricants vont tellement chercher la petite feature supplémentaire pour passer devant le concurrent, que parfois, ouais, on se retrouve avec des données à la limite du useless, et limite très difficile à interpréter, quoi. Bah déjà, parce que, un, est-ce qu'on est capable de les analyser, ces données-là? Et deux, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose pour modifier si on se rend compte que, je sais pas... C'est ça, comment tu réagis quand tu l'as compris, tu réagis comment? C'est ça. Juste une parenthèse, moi je ne nie pas la possibilité d'associer le décryptage des chiffres avec l'analyse du geste. Et je dis ça pourquoi? Parce que si on reprend l'exemple du capteur Street là, qui va analyser la puissance de ta foulée, enfin tout ça, quoi. Je pense que on va obtenir des données, mais après pour les exploiter, comme dit Emir, ça demande aussi un savoir-faire qu'on n'a pas forcément. Et même quand on va essayer de modifier son geste, sa foulée, j'en sais rien, ou travailler sa foulée, en plus de ça, il y a souvent une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on croit faire. Donc ça veut dire que... sans coach, par exemple, ça peut être délicat. Alors après, oui, on peut se filmer, etc. Mais après, même en se voyant, est-ce qu'on juge bien Ouais, est-ce qu'on juge bien? J'en sais rien. Enfin, tu vois. Donc oui, c'est une question qui reste un peu en suspens pour moi, quoi. Tu as parlé du capteur de puissance, là, et tu nous avais partagé sur Discord un article écrit par Nicolas du blog Running Addict, qui justement a testé ce capteur de puissance. Big up à lui. Ouais, salut à Nicolas. Il parlait du fait que ce capteur de puissance peut... te donne là en fait la valeur de ta la puissance attends comment dire ton pied, est-ce que la puissance va du coup horizontalement ou verticalement? Ouais, donc ça a l'air intéressant ça, parce que logiquement on aimerait que la puissance elle aille le plus possible à l'horizontale plutôt qu'au vertical, on perd de la puissance pour rien, je pense que on est tous d'accord là-dessus. Ouais, je crois qu'il le dit dans son article aussi. Ouais, ouais, il en parle de ça. Mais du coup, bah, très bien, tu vois ça. Mais qu'est-ce que t'en fais de ça? Comment tu fais pour modifier ta foulée, pour éviter ça, quoi? Je sais pas, moi. Je suis d'accord. Il y a une énorme, énorme différence entre le monitoring, constater, et savoir réagir. Bah oui. Ça y est, c'est un truc complètement décorrélé. Et ouais, très souvent, on s'arrête à... Ah ouais, tiens, c'est ça, ma course à pied. So what? Après, on peut pas nier quand même qu'il y a une part d'épanouissement ou même de plaisir personnel à essayer de modifier quelque chose qu'on croit bon, enfin, ou en tout cas, qu'on croit aller dans la bonne direction. C'est peut-être pas le cas, mais on s'épanouit quand même à travers ça. C'est pas exactement la même chose, mais ouais, j'ai fait d'autres sports. J'ai fait par exemple du tennis et ça m'amusait de voir des joueurs. Face à moi qui étaient des joueurs pas plus forts que moi, quoi, et qui du jour au lendemain investissaient dans vachement de matériel et devenaient des petits pros, quoi. Et puis en fait ça avait rien changé de leur jeu et tout ça, mais quelque part ils s'étaient fait un peu plaisir, enfin, c'est une façon de s'exprimer quelque part, quoi. Ouais, un petit engagement supplémentaire. Ouais, exactement, un petit engagement supplémentaire qui leur donnait peut-être l'illusion. Et moi, je pense que, en l'occurrence, c'est dans les cas auxquels je pense, c'était de l'illusion. L'illusion de plus de maîtrise et plus d'expertise, quoi, j'allais dire, ou de technicité. Sur le moment, ça me faisait un peu rire. Mais bon, après, si les gens prennent leurs pieds comme ça, qui ça gêne, quoi. Enfin, voilà. Ouais, après, c'est une façon, bah, comme tu dis, c'est se prendre pour un pro un petit peu et ça nous valorise peut-être. En dehors de ça, oui. On se sent plus fort. Ouais, ouais. Après, voilà, ça peut aussi engendrer un phénomène de mimétisme et de tout ce qui favorise plus de business et en l'occurrence vers de la technicité qui parfois est pas justifiée, quoi. Du coup, d'avoir autant de capteurs et tout ça comme ça là, on va se fier tellement à toutes les données. Est-ce qu'on va pas perdre? On va courir comme une machine au final. On perd ses sensations dans ces cas-là, non? À trop se fier aux chiffres. Et on risque peut-être de se blesser. On perd un petit peu l'essence de la course à pied, à mon avis. Enfin, c'est mon avis personnel, mais bon. Il faut savoir quand même que, je sais pas moi, dans la Grèce antique, le sport il existait pendant, pendant 10 siècles. Et il n'y avait pas de question de chiffres, ouais, quoi. C'est un truc quand même qui est apparu avec la révolution industrielle, quoi, à un moment on a pu collecter plus de données. Et donc l'être humain c'est quand même ça l'a pas empêché quand même de s'épanouir à travers de l'activité, tu vois, sans avoir pendant des siècles, quoi. Je veux dire, le sport c'est pas une invention récente, quoi. Donc oui, l'essence, sans doute, quoi, qu'on modifie quelque chose par rapport à l'essence du sport, généralement. Ensuite, oui, moi je pense qu'on rend les choses un peu machinales, mais industrielles, quoi, un peu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça me gêne un peu, quoi, mais bon, après, à chacun aussi de prendre conscience de savoir un petit peu relativiser, se tempérer, et puis pour essayer de temps en temps d'aller... cueillir un peu de naturel dans sa pratique, quoi. Enfin, bref, de fréquenter les clubs de nudistes, quoi. Les campings de nudistes, quoi. C'est ça, ouais. Puis bon, après, chacun... peut-être qu'il y a des gens qui aiment courir justement pour ça, et tant mieux pour eux aussi. Enfin, c'est une raison comme une autre, oui. Finalement. Oui, c'est vrai. Émir, t'as quelque chose à dire là-dessus? Ouais, ouais, je pense que les chiffres peuvent complètement modifier le comportement du coureur et dans tous les sens, en fait. Alors, peut-être pas pour des coureurs qui sont vraiment orientés performance, qui sont vraiment disciplinés et qui vont vraiment se servir de l'outil pour aller de l'avant, qui vont savoir tout interpréter, qui vont savoir vraiment utiliser l'outil de manière à progresser. À côté de ça, on a les gens qui sont peut-être moins disciplinés, un peu plus loisirs, qui vont obtenir des montres parce que c'est, ça fait comme tout le monde, parce qu'on leur a conseillé, parce que machin, et qui, eux, vont, de par leur non forcément discipline, leur non professionnalisme, leur non, voilà, leur côté un peu amateur, vont beaucoup moins bénéficier de l'intérêt de ces chiffres, voire ça pourrait les démotiver. C'est-à-dire que, en gros, voir qu'un jour t'es dans une sortie où t'avances pas, les chiffres ne mentent pas, ils te montrent qu'aujourd'hui ta sortie, en gros, c'est de la merde par rapport à d'habitude, et ben tu vas avoir tendance à être blasé et pas juste apprécier ta sortie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un moment pour te vider la tête, quoi. En gros, tu vas avoir une perception peut-être négative d'une sortie qui pourrait, la même sortie pourrait être appréciée, en fait. Ou en tout cas, une perception différente parce que tu vois ta montre. En fait, en gros, il peut y avoir tout plein de... Il y a plein de variantes différentes d'effets négatifs d'avoir un outil qui te chiffre ta sortie, je pense. Mais vraiment en particulier chez ceux qui ont des montres par défaut parce qu'ils pensent que c'est un accessoire utile, mais qui, a priori, l'utilise pas à des fins de progression. Je l'observe beaucoup, et moi-même, j'ai dû avoir ces travers quelquefois. Hein, j'ai dû les vivre. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi les montres qui... Enfin, en tout cas, les fabricants de montres qui font ça, parce que moi, personnellement, j'ai changé ma montre il n'y a pas très longtemps parce qu'elle s'est cassée. Et c'est même pas parce que moi, Elle avait 250 ans, ta montre. Ouais, mais oui, c'est vrai, en plus. Vous avez vu des photos, je vous en avais partagé. Du sparadrap et tout. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais parce que moi, à la base, j'utilise ma montre pour avoir les kilomètres. Bien sûr, je regarde l'allure et le temps. Et pour acheter une nouvelle montre, la montre de base, elle a des trucs que j'ai jamais demandé, quoi, tu vois. Ouais. Et notamment le nombre de pas, par exemple. Alors, ça, mais qu'est-ce que j'en ai à péter? Et ils te mettent un objectif par jour. Et t'as envie de dire, mais de où tu sais quel est mon objectif de pas à faire par jour? Enfin, tu vois, et on te met des... T'es parti chez qui, mardi? C'est Garmin toujours, parce que j'avais Garmin avant et du coup je suis restée sur Garmin. Après, les outils, on peut en faire ce qu'on veut et aussi les paramétrer en toute conscience, quoi, j'allais dire. Dépend, hein. Tu vois, par exemple, les pas, Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, déjà à la base, on te met des injonctions que tu n'as même pas demandé. Enfin, moi, j'ai rien demandé et je m'y fais prendre pour rien parce que tu vois, par exemple, le nombre de pas, ben, au début, ça me plaisait bien. Alors, du coup, maintenant, quand je vais courir. Je vais courir le matin, et ben je vais garder ma montre dans la journée parce que je me dis, ah tiens, je vais voir combien j'ai fait de pas en tout dans la journée. Mais qu'est-ce que j'en ai à péter en réalité? J'en ai rien à faire. Et est-ce que je vais reacher mon goal là? Est-ce que je vais y arriver à faire les nombres de pas? Reacher mon goal, c'est stylé ça. Ouais, c'est clair. J'ai kiffé. Atteindre mon objectif, un petit sous-titre. je sous-titre pour les francophones, atteindre mon objectif. Atteindre mon objectif. Je cherchais. Non, parce que tu vois, ma montre, elle est toute contente de me dire « Goal !» Tu vois, et du coup, j'arrivais plus à retrouver le Richie truc. Richie Mongol. Mais bon, bref. Voilà. Mais ça m'énerve moi-même, en fait. Tu ça vois. T'énerve ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on me pose... Ouais, Complètement. Je suis d'accord avec toi sur le fait que, par défaut, ça se pointe avec une configuration où t'as pas forcément demandé grand-chose. C'est-à-dire que, encore une fois, le newbie qui achète sa montre, qui la met au poignet, qui a pas envie de faire 36 configs, bah, il y a sa montre qui lui... par exemple, je prends chez TomTom, parce que je connais ces genres de montres. Bah, en fait, TomTom, à la fin de ta séance, si tu lui dis rien, il va évaluer, pas subjectivement, mais il va évaluer à sa façon ta récup. Et tu sais pas sur quels critères. Faut aller consulter le mode d'emploi, et encore, je suis même pas sûr que ça soit écrit, pour savoir sur quoi il se base, pour te dire qu'aujourd'hui, ta récup était bonne ou mauvaise, en fait. T'en sais rien, de base. Donc, en fait, quelque part, c'est lui... par un algorithme créé par des cums quelque part chez TomTom, qui va te dire à toi si ta séance, elle était bien. Tu vois le truc? Et ça, je trouve que ça c'est quand même un peu perché, quand même. Comme qui es-tu pour me dire ça dépend du code. C'est pareil, ma montre, elle va me sortir le truc des calories, genre, par exemple, tout ça. Mais j'ai envie de dire, mais comment tu peux savoir combien de calories j'ai dépensé? Ouais, c'est à la louche, de toute façon. C'est pas vrai, c'est pas possible, tu peux pas le savoir. Tu connais pas mon métabolisme, tu n'as aucune idée. Non, mais c'est à la louche. Après, cela dit, les données, elles sont intéressantes aussi à prendre comme des indicateurs, quoi. Des indicateurs de ta forme, du moment, quoi, tu vois. Ouais, et après, mais les chiffres lui-même. Tu sais, en même temps, on regarde, prends la VO2 max, quoi. C'est quoi, microgrammes par litre, je sais pas quoi, d'oxygène, tu vois. Enfin, tu vois, si je te dis 42 ou 62, etc., ça te parle pas. Mais toi, personnellement, quand tu suis ces données, Je suis en train de défendre les données à fond. Là. Ouais, quand qu'est-ce tu suis fais ces là données, tu vois, tu dis, ben, la semaine dernière, j'étais à autant, là, j'en suis à autant. Je suis mieux, pas mieux. Est-ce que ça correspond à mes sensations ou pas? Ça, c'est un autre problème. C'est vrai. Et en plus de ça, les montres, tu as pas dit, mais elles te proposent aussi maintenant la possibilité de te notifier de ce qui se passe sur ton téléphone portable. Donc, tu peux avoir d'autres choses encore. Combien d'appels j'ai reçus, combien de messages t'as en attente, enfin, tout ça. C'est encore de nouvelles données. Moi, j'ai essayé ces choses-là. C'est sexy quand tu vois au départ, quoi. Et après, t'as vite fait de te dire, waouh, c'est invasif, là, c'est trop... Je déconnecte tout ça, quoi. Bah, déjà, quand tu vois que tout est connecté, moi, j'ai reçu un message sur mon téléphone, il y a mon ordi qui va tilter, il y a mon bidule qui va... T'es là, mais t'as envie de dire, oh, les gars, calmez-vous, quoi. Juste, j'ai pas envie de savoir, que je le saurai quand je viendrai voir mon téléphone. Alors, surtout pas sur ma montre quand je suis en train de courir, quoi. C'est bon, les gars. Ça, c'est la course, c'est à cause, je pense, de la concurrence. Ça, c'est quand on a un qui commence, les autres, là, les concurrents, là, ceux d'à côté, ils commencent à se dire « Oh merde, l'autre, il l'a fait, il faut que je le fasse aussi. » Et du coup, ils sortent le machin à l'arrache. Moi, mon constat, c'est que lorsque j'ai eu... la montre que j'utilise depuis des années, c'est une Suunto en bit 3 verticale. Le machin, la première fois que j'ai vu les notifications, je me suis dit « Non, mais sérieux, les mecs, vous avez mis ça vraiment juste parce qu'il y a Garmin qui était en train de vous... » qui était en train de vous allez dire, vous vous êtes dit, je vais pas me laisser couiller par Garmin, je vais le mettre. Sauf que le truc, il avait aucun sens. Le machin, il essayait de t'afficher un SMS dans la montre, par défaut, hein, toi, t'avais rien demandé. Sauf que le couillon, il était capable d'afficher que 10 caractères et après, ça passait en 3 petits points. Donc, du coup, en fait, tu pouvais jamais rien lire, en fait. Tu pouvais jamais lire. Ça, c'est des branquignoles de développeurs qui ont fait n'importe quoi. Punaise. Mais je me suis dit, mais elle sert à quoi, cette feature? Pourquoi tu me l'as mis par défaut? Alors que le machin, en fait, tu pouvais jamais lire ce qu'il y avait écrit. Donc, l'intérêt de la feature était nul. Était juste nul. Bref, ça me saoule quand il t'intègre des trucs juste pour pas paraître, faire pas le figure devant le concurrent d'à côté. Mais la feature a aucun sens en elle-même, quoi. Ou alors, elle est mal intégrée, quoi. Bref, c'était le micro. Non, mais bravo, je suis d'accord avec toi. Bah vous savez quoi, ouais, bravo et vive la France. Vive la République. Vive la République. Moi j'ai envie de dire que en fait, vous savez quoi, Garmin et tout ça, là on va les laisser tomber et on va créer une montre Bonito et on va mettre que les features qu'on veut dessus. Et moi dessus déjà je voudrais un capteur pour l'optimisation de mèches à cheveux parce que David t'en as parlé dans ta chronique et moi ça je veux ça. Et ouais. Parce que je veux être au plus proche de la coupe aérodynamique. Ah ouais, enfin, je veux dire on tourne dans un seul sens autour de la piste. Après il y a le sens du vent, c'est ça problématique ça. Mais il va falloir calculer tout ça quoi. On peut optimiser je pense, on peut optimiser ce point là. Et du coup moi je veux cette fonction, vous voulez quoi vous comme fonction sur notre montre? Comme fonction, moi je veux pas une fonction, moi je veux une montre Transformers qui fait l'heure et que tu peux détacher et en faire un petit robot pour jouer. Ok, donc notre montre Bonito, elle aura le capteur de mèche à cheveux et elle se transformera en Power Rangers. En quoi, moi, Transformers je sais pas quoi. Et un petit robot quoi. Et bah si elle affiche le nombre de kilomètres, c'est bien. Voilà, c'est ma partie. Ce et serait pas mal. Moi, je veux bien un petit bandeau rose fluo là sur le haut de l'écran qui cache un peu l'écran. Okay. Oui, c'est top. C'est pour le look, pour le souhait. C'est qui te cache une donnée cruciale, genre l'heure ou la batterie restante, tu vois. Toi, c'est bon. On rigole, mais les gars, je vous assure, le nombre de fois où j'étais en course sur ma Suunto, et faute d'oublier, parce que j'oublie à chaque fois de changer les écrans là, sur l'interface Suunto, le nombre de fois où on m'a demandé l'heure, et j'ai dit, je sais pas, ma montre donne pas l'heure, je vous assure qu'il est incalculable. Oui, mais moi aussi, j'arrivais pas au début à trouver l'heure sur ma montre quand j'étais en train de courir. Ça m'énervait. Oui, mais par défaut, il n'y a pas l'heure, par défaut. C'est un truc totalement ouf. Dès que t'es rentré dans le mode séance, tu vois plus l'heure, quoi. C'est ouf. Voilà, donc on mettra l'heure sur notre montre, ok? Oui, oui, on sera swag, il y aura l'heure. Mais on est bon là. Il va falloir demander aux Bonito. Allez, on est sur quelque chose. Bonito, vous pourrez précommander à partir de septembre 2018. On fait un kiss-kiss-bang-bang. Ah, un kiss-kiss-bang-bang, c'est cool. Bah oui. Ouais, on va faire financer ça. Ok. Voilà, alors on propose aux Bonito de dire leurs features. Ouais. Et puis, si elle est bien, on la fait. On trouve un fabricant, on la design Jogging Bonito. Et voilà. On la vend. C'est quoi les prix hauts du marché? C'est quoi, 600-700 euros peut-être? Ouais, on n'est pas loin des 900 à cette heure-ci. 900, hein. Sérieux? Bon, on casse les prix, on fait 700. Et puis, c'est voilà, in the pocket, quoi. C'est Ouais. On devient 900, riche, ouais, je confirme. Je confirme, on est à 900. Ouais, 900. Phoenix 5X plus saphir gray bracelet cuir oh marron 51 mm, 899 euros. Oh là là, punaise, on n'est pas sauvés. Bon, bah écoutez, les ouais bonitos, c'est parti. Les précommandes ont démarré là. Septembre 2018, on commence les précommandes. Allez, c'est pas tout ça, mais on va passer maintenant à la chronique d'Emir. Attends, Mardi, s'il te plaît, j'ai trop un truc. Vas-y, Emir. C'est sur les données. Franchement, faut pas qu'on parte des données tant que j'ai pas parlé de ce truc. Il y a quelques, je peux dire années, ouais, c'est années, je pense, là. Année, pardon. On m'a fait tester un truc, et d'ailleurs, là, je viens d'aller sur le site pendant qu'on enregistre pour voir si ça existait toujours. Et oui, ça existe toujours. Donc, les poteaux, c'est la première fois que j'ai testé un truc pareil. Ça s'appelle une semelle connectée, les gars. C'est une semelle connectée, c'est un outil extrêmement balèze qui est censé donc du coup se foutre dans tes chaussures à la place de tes semelles et être relié à une application et en gros à la fois te servir plus ou moins de GPS et plus ou moins analyser ta foulée et en plus des métriques, pour le coup on en parlait tout à l'heure, te donner des solutions pour corriger si la semelle s'aperçoit que t'as un truc optimisable. Que tu dévies. Donc en fait dans l'idée, c'est ultra chambé, ouais, hein, on ouais est d'accord, parce que tout à l'heure, on disait, il y a des métriques, mais qu'est-ce que j'en fous? Bah, eux, ils sont allés un cran plus loin, la marque, c'est Digitsol, hein, je la cite, ils sont allés un cran plus loin, ils se sont dit, vas-y, moi, je lui donne des solutions. Sur le papier, c'est nickel, ouais, hein, jusque-là, cool, moi, hein. J'étais ultra convaincu. Sauf que, qu'est-ce qui se passe, les potos? Première chose, flagrant, premier gros constat, je me suis dit, comment je recharge ce bousin? Et du coup, le premier problème qui a attiré mon attention, c'est que il fallait le brancher, mais que sur une semelle, pas sur les deux. Donc là, qu'est-ce que tu fais immédiatement? Tu penses, à juste titre, que la batterie, elle est que d'un côté. Que veut dire la batterie, elle est que d'un côté? Ça veut dire que soit ils ont lesté l'autre côté, soit l'autre côté, il est moins lourd. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé peser. Et en fait, t'avais une semelle, de 15 grammes et la deuxième de 90 grammes. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est génial. Mais comment on peut être aussi stupide pour faire des trucs pareils? Non, enfin, un fait stupide, j'irai pas jusque-là, mais je veux dire, ils ont pas. Vas-y, bah pourquoi pas? Ouais, parce que ils ont pas pensé fait, à ça. Ils se sont pas dit, ouais, dans la conception du machin, ils se sont pas dit à un moment donné, merde, je mets 90 grammes de plus dans la chaussure d'un runner quand même. Enfin, on n'en est pas arrivé là au niveau de la. On n'en est pas arrivé là dans la réflexion au moment de concevoir ce produit. Et donc, c'est pas tout. Ça, c'était la première chose où je me suis dit, c'est hyper chelou quand même. La deuxième chose, le produit te disait si tu courais sur l'avant du pied ou sur l'arrière du pied. Sauf que, bon, du coup, moi, j'ai regardé la semelle et je me suis dit, comment il fait ça? Sachant que très clairement, tous les capteurs, ils étaient à l'arrière de la semelle, c'est-à-dire là où il y avait le micro USB, tu voyais très bien que l'avant, c'était qu'un bout de plastique. Donc du coup, je voyais pas comment il faisait un truc pareil. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une sortie. Tu la tournes? Au bout d'un moment où je vais... Non, je me suis dit, je vais volontairement talonner comme un gros chacal. Ah ouais. Et la sortie d'après, je vais volontairement faire, mais alors de la pointe ouais des pieds comme une danseuse étoile, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai fait l'un et l'autre. J'aurais tant aimé voir ça. Ben, si, il y avait une différence, mais ultra mineure. Comme si, en fait, le machin, il avait logiciellement, puisque j'avais fait quand même pas mal de séances où je m'étais pas préoccupé de ce détail, et je me suis dit, est-ce que le machin, il a essayé logiciellement d'être logique vis-à-vis de lui-même, de se dire que c'était pas possible que d'une séance à l'autre, je passe d'un extrême à l'autre, et donc de lisser mon résultat, et donc de le fausser, en fait. Du coup, c'est là que tu t'aperçois que peut-être, les travers de ce genre de produit, ce serait aussi que logiciellement, ouais, pour lui pas perdre derrière, la face, ouais, pour pas avoir l'air d'un con, c'est ça, et logiciellement on te corrige et donc on fasse mentir les données, ce qui irait pas dans le sens des données fiables, forcément, ouais, si jamais voilà, il y a ce fameux traitement logiciel. Ouais, c'est un autre point, ça aussi. Moi, je pense que le matériel, il est tellement intelligent, il a capté que tu voulais le coincer, donc c'est lui qui t'a coincé. C'est parce qu'en fait, il y avait de l'intelligence artificielle dedans, ouais, en plus. Ouais. Mais oui, mais du coup, voilà, parlons-en de cette intelligence artificielle. C'est que du coup, là, le machin, il essaye de te proposer quelque chose pour rectifier ton truc. Quand il s'aperçoit que tu talonnes Furax, il te dit, bon, voici ce que j'ai à te proposer sur la prochaine sortie, fais ceci ou fais cela. Alors, je sais plus ce qu'il m'a raconté, le bousin. Sauf que ce qui m'avait marqué aussi... Et là où on se dit, on a énormément de données, mais pour moi, on est vraiment encore loin du turfu où la donnée, on va en faire quelque chose, que ça va être bien, qu'on va vraiment avoir des trucs clairs. Le machin, qu'est-ce qu'il faisait? Tu te rappelles quand on était gamin, on faisait des tests dans les magazines. On lisait, genre, il y avait 20 questions, là. Ah ouais. Et si t'avais répondu petit croix, petit rond, petit machin, genre, tu comptais le nombre de croix, le nombre de X, le nombre de bidules, et il te disait, OK, tu rentres dans telle case. Ouais. Tu vois un peu l'idée? Et ben là, là, en fait, le bousin, il avait une toute bête échelle, du genre, si t'es de telle valeur à telle valeur, alors afficher tel conseil, toujours pareil. Si t'es de telle valeur, afficher tel autre conseil. Bref, c'était idiot, en fait. Ouais. Le truc était totalement idiot. Il mesurait la valeur où t'étais. Et il te disait, voilà le pavé que quelqu'un chez nous a écrit, ouais. Un pseudo-ingénieur a dû écrire pour corriger quand on est entre telle et telle valeur. Enfin, vous voyez le truc. Et du coup, je me suis dit, non, je peux pas trop te prendre au sérieux, malheureusement. Et voilà, j'étais pas très satisfait de cette semelle. Voilà. On comprend pourquoi. Et aujourd'hui, hein, vous serez heureux d'apprendre que Laurent Jalabert, oui, est partenaire de cette marque. Ah. Hein, voilà, tout à fait. Donc, il nous pied sommes ravis. Peut-être qu'il a lesté l'autre côté, lui, tu vois, il a été intelligent. Peut-être qu'il a fait un do-it-yourself, ou alors peut-être que, enfin, comme il y a plusieurs marques, enfin, il y a plusieurs produits maintenant, ça a peut-être évolué depuis. C'était il y a quelques années, hein, le truc débutait, il cherchait des testeurs, machin, et j'ai été de ceux-là. Voilà, sinon, il va falloir qu'on envoie un message à Laurent Jalabert, lui dire, Laurent, écoute, hein, on a pesé tes semelles, hein, tu vas pas nous bullshiter, Laurent. Il faut que tu... Il y a un problème. Parce que le pauvre, il s'en est peut-être pas rendu compte. Hein. Voilà, j'ai envie de vous raconter cette petite anecdote qui m'amusait beaucoup sur les accessoires de mesure. Ouais. Je le rends la main, merci. Mais sur ce, on va terminer. Bravo, vive la France. Là, on arrête le running gag ou comment ça ? Ouais, on va bien arrêter. Ok, d'accord. Bon, allez, passons maintenant à Emir qui a décidé de casser le mythe des belles vidéos super motivantes de YouTube. Pour nous prévenir de la réalité des choses. Et non, les gars, la vraie vie, elle n'est pas sur YouTube. Et oui, j'ai intitulé cette chronique « Pourquoi YouTube est dangereux ?» Et je me suis permis un titre pareil parce que, voilà, on n'est pas sans remarquer pour ceux qui fréquentent YouTube que les titres du type journalistique, du type « pute à like, pute à clic, pute à tout ce qu'on veut » sont de plus en plus fréquents. Donc, en hommage à YouTube, hein, je me permets de titrer ma chronique « Pourquoi YouTube est dangereux ?» Et encore, j'aurais pu être plus violent. J'aurais pu dire pourquoi YouTube vous emmènera dans un ravin ou vous emmènera mourir en haut d'une montagne à 3h du matin au prochain ultra trail que vous ferez. Voilà, mais je l'ai pas fait. Je suis resté sûr. C'est resté dangereux. Soft. Je suis resté soft. Frappé par Alexandre Benalla. Oh, oh, c'est pas marrant. Je rigole, mais c'est pas marrant. Je sais pas qui faisait de l'ultra, lui. Qui aurait mis un bandeau réfléchissant où il y a écrit dessus police de manière illégale. Parce que c'était dans le matériel obligatoire, mais ils n'avaient pas spécifié police, c'est lui qui s'est permis de faire ça. Bref, n'épiloguons pas sur cette personne, bien qu'il soit dans les actus. Donc, on en conviendra, mon titre, je l'ai un peu provoqué. Hein. C'est dangereux, c'est un bien grand mot, on est d'accord, c'est pas dangereux, hein, mais bon, voilà, on n'est que dans la course à pied, on ne va pas exagérer. Bref, je consacre donc ma chronique du jour à faire en fait une petite mise en garde hein, que j'ai longtemps considérée comme étant inutile, mais sur lequel mon jugement au fil du temps a un petit peu évolué, parce que je me suis aperçu que cette mise en garde, l'inutilité que je pensais de cette mise en garde, en fait, bah, elle n'a pas survécu à l'épreuve du terrain, parce que j'ai vu des gens faire des choses. Voilà, je vais vous en parler. C'est ça. Donc tout commence avec YouTube. Hein, parce que beaucoup d'entre vous, je pense, n'êtes pas sans savoir que j'anime une chaîne YouTube depuis quelques années, Lapin Runner de son nom, dont le but principal est de partager des aventures de course à pied au sens très très large. Hein. Ça va de la course route courte distance à des épreuves en montagne sur 2 à 3 jours, et en passant même par la course d'obstacles. Beaucoup moins maintenant, mais dans nos débuts, on a quand même essayé. Voilà, donc lorsqu'on partage une aventure de course sur YouTube, je pense qu'il y a un minimum de principes à respecter pour que l'aventure soit racontée convenablement. Un des principes les plus évidents et les plus simples de YouTube, c'est qu'on sélectionne parmi ce qu'on a filmé les meilleurs moments, en gros, qui vont, selon l'auteur de la vidéo, refléter ce qu'il a envie de transmettre comme message, hein, comme récit, ce qu'il veut raconter comme histoire. Donc évidemment, ce serait ennuyeux de filmer une course tout entière, et de la mettre telle qu'elle sur Internet. Alors, il y en a qui le font, mais c'est dur à regarder de bout en bout, hein. Clairement, on s'ennuie. L'auteur de la vidéo, finalement, qui fait du montage, qui a envie de transmettre un message, du coup, il n'a pas d'obligation, ni forcément même la prétention, de raconter strictement tout ce qui s'est passé, ni tout ce qu'il a ressenti. Donc ça, déjà, c'est un premier point. L'auteur de la vidéo fait ce qu'il veut de ses images, hein. Ça, c'est clair et net. Voilà. Donc pourquoi en fait, ça, pour moi, ça sert à rien sur YouTube de filmer une course entière ou faire un récit linéaire ou chronologique? Alors c'est pas que ça sert à rien, ça a un public, mais c'est moins intéressant, parce que il y a énormément de courses, qu'on parle d'un 5 bornes ou d'un 150 bornes sur une montagne, où il y a des moments où il se passe rien, tout simplement, où c'est pas intéressant à partager. On le sait quand on court, hein, c'est pas funky à chaque seconde. Hein. Donc quand on a une caméra, vu qu'on a envie de partager quelque chose et qu'on a envie a priori que ce soit regardé, bah on filme pas les instants où il se passe rien, où on est tout seul dans notre tête, moments qui sont fréquents sur les courses, et encore plus quand elles sont très longues. Donc voilà, on va se le dire franchement, parfois il se passe juste rien, on est juste en haut d'une montagne, voilà, à regarder ses pieds et à avancer autant que possible. Donc ce qui est évident également, hein, c'est que la quantité d'images, de sentiments, d'émotions et peut-être de déboires à partager, elle est différente sur un 5 bornes sur route ou sur un ultra. Dans une vidéo à l'échelle de YouTube, c'est-à-dire en gros qui va durer en général entre 5 et 30 minutes, faut faire rentrer une expérience qui, dans la vraie vie, va durer entre 30 minutes pour le 5 bornes ou plus de 40 heures ou plus pour un 150 bornes, par exemple, ou un ultra. Forcément, dans le cas d'un ultra, les images et le message qui vont être choisis par l'auteur seront beaucoup plus loin de refléter la complexité et la difficulté de l'épreuve que sur un 5 bornes. Donc comme souvent, ici, je vais parler d'ultra pour illustrer mon propos sur YouTube, car plus, finalement, votre vidéo YouTube retranscrit en quelques minutes quelque chose de très long dans la vraie vie, plus il y a de chances que la vidéo en question ne soit pas représentative de l'expérience, de ce qui s'est passé. Donc jusque-là, je pense que c'est à peu près logique. Donc sur un ultra, il y a énormément, j'insiste, de variables qui rentrent en ligne de compte pour comprendre réellement les tenants et aboutissants d'une telle épreuve. L'ultra, ça nécessite énormément de connaissances de son corps et de sa tête, et qu'il faut savoir gérer pour aller au bout d'un ultra, donc pour finir le projet. Je vous donne une liste non exhaustive, mais qui je pense est une bonne base des sujets à connaître et des questions à se poser pour savoir à quel point, finalement, on est paré pour une course longue. Donc d'abord, il y a le point condition physique. C'est est-ce que je connais mes capacités physiques au-delà d'un certain nombre d'heures d'effort? Comment mes muscles, comment mes tendons, comment tout le bazar mécanique va-t-il réagir à ce que je vais lui faire subir sur un ultra? Premier point. Second point, la nutrition. Est-ce que je connais une bonne méthode pour me sustenter convenablement sur une telle épreuve? Est-ce que je vais bien m'assurer de ne pas mettre par terre ma glycémie, et de ne pas me louper sur mes apports en vitamines et minéraux qui empêcheraient mon corps de carburer comme il se doit? Il y a le point hydratation. Est-ce que je connais une méthode qui me convient pour m'hydrater sur des dizaines d'heures sans tomber dans un extrême? D'un côté, mon corps qui est même plus capable de suer tellement il n'y a plus de flotte et pas loin de la déshydratation, ou à l'inverse, trop boire au risque de se retrouver avec un bide qui chante floc-floc. Il y a le point sommeil, très important. Est-ce que je suis capable de courir ou avancer toute une nuit et gérer le manque de sommeil? Est-ce que je suis capable d'enchaîner deux nuits de suite, si j'arrive à en faire une déjà? Est-ce que je sais comment gérer un coup de pompe sévère qui surviendrait de manière non maîtrisée? Est-ce qu'il me faudrait un truc à boire, un truc à manger? Est-ce qu'il faudrait que je fasse une micro-sieste ou à l'inverse une sieste longue? Est-ce qu'il faudrait la faire sur un ravito ou est-ce qu'il faudrait la faire en pleine brousse quand la fatigue vient? Il y a le point température. Est-ce que je suis capable de gérer ma nutrition et mon hydratation dans des conditions de chaleur étouffantes ou à l'inverse, est-ce que je suis capable de ne pas négliger l'hydratation quand il caille et que j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de boire? Un point super important et crucial qui fait défaut à beaucoup de gens du coup qui ne finissent pas les ultras, c'est le point motivation, le point mental finalement. Voilà, c'est est-ce que, les questions elles sont nombreuses, c'est est-ce que quand mon corps commence à refuser, quand finalement je prends plus du tout de plaisir parce que j'ai un peu mal partout, est-ce que je sais tout de même garder en tête mon objectif qui est d'être finisher? Si c'est, bien sûr, c'est l'objectif. Hein. Mais bon, j'en parle souvent de celui-là parce que il me parle beaucoup. Est-ce que je sais surmonter le moment où, pendant des heures, une seule question qui tourne en boucle dans ma tête, mais pourquoi est-ce que je suis venu me foutre en haut d'une montagne à 3h du matin seul, trempé dans le froid? Voilà. Est-ce que je sais surmonter cette question? Est-ce que je sais y répondre? Ouais. Voilà. Est-ce que je sais faire la différence entre une blessure qui serait éliminatoire et un truc bénin qui passera rapidement dans les prochains temps de l'ultra? Est-ce que je sais gérer les coups durs? Comme quand quelque chose d'imprévisible se passe. Alors, une poche à eau trouée, la perte d'un équipement qu'on jugerait essentiel, comme par exemple un gant ou des lunettes de soleil, des urines foncées, des douleurs mécaniques imprévues, des ampoules qui seraient récalcitrantes, ou tout ce genre de petites déconvenues qu'on n'aurait pas prévues avant, comment est-ce qu'on les encaisse quand elles arrivent sur place? Est-ce que je suis vraiment conscient finalement que l'ultra, c'est clairement pas que du plaisir à chaque instant et que ça va faire mal et que ça va faire mal pendant longtemps ? Est-ce que j'ai bien conscience que je serai parfois heureux mais aussi parfois triste, parfois content mais aussi parfois frustré, parfois rassuré mais parfois stressé, parfois serein et parfois je me sentir incapable et que je devrais faire avec tous ces sentiments finalement au sein de la même course ? C'est vraiment très complexe. Et enfin, je vais terminer par le point lucidité. Est-ce que je sais être, ou au moins est-ce que je pense savoir être assez lucide dans des états physiques et mentaux hyper entamés, qu'on n'atteint jamais au quotidien, qu'on n'atteint jamais à l'entraînement, prendre les bonnes décisions pour ne pas se mettre en danger ? Quand on est en haut d'une montagne et à moitié conscient avec un ravin ou deux ravins sur les côtés, est-ce qu'à ce moment-là, je sais m'arrêter ? Est-ce que je sais survivre finalement ? Voilà, c'est un point super important également. Donc tout ce que je viens de citer là, toutes ces questions que je viens d'évoquer, c'est même pas exhaustif, hein. C'est juste une complexité qui est absente de ce qu'on va voir finalement sur YouTube. Cette complexité, elle peut pas être transcrite sur des blogs ou sur des vidéos. Déjà parce qu'il y aurait énormément à dire, il y aurait bien trop pour une seule vidéo, il faudra en faire plusieurs, mais aussi parce qu'un YouTuber va souvent, ou un blogueur hein, même, va souvent préférer montrer les moments joyeux, plutôt que des moments difficiles, ou encore tout simplement parce que quand surviennent les moments difficiles, il est justement bien plus difficile pour le YouTuber de filmer, en fait. Voilà, quand t'es dans le dur, hein, la dernière chose, en fait, quand t'es dans le dur, tu te recroquevilles sur toi-même, t'es en mode protection, et du coup, la caméra devient quelque chose d'ultra accessoire et absolument pas vital. Voilà, même chose pour, on voit rarement des selfies sur Instagram, de personnes qui sont absolument foutues et finies en haut d'une montagne. Tu l'as pas, ce selfie, parce que là, la personne est en mode survie, quelque part. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Donc toutes ces petites choses, finalement, font qu'un YouTuber va probablement édulcorer son message, que ce soit intentionnel ou non, et faire penser à des choses simples et positives qui donnent envie dans sa vidéo. Donc, finalement, la difficulté accessible et surmontable, donc qui crée un certain intérêt de la part de la personne qui va regarder la vidéo, la beauté des paysages vastes hein, dans lesquels le YouTuber se sent tout petit et le fait partager, l'ambiance d'entraide entre les coureurs et entre les bénévoles et toute cette humanité qui en dégage, et l'accomplissement et le dépassement de soi qui ressort de la vidéo une fois que la personne a passé la ligne d'arrivée. Finalement, ça reste du positif, y compris ce qui est difficile et une difficulté qui est considérée finalement comme positive quand on voit une petite vidéo, parce que dans un petit moment finalement de quelques minutes, il y a eu beaucoup de difficultés, la vidéo se termine souvent par un accomplissement, et du coup on se retrouve avec un moment qui donne envie aussi de se mesurer à ce genre de choses, sans vraiment tenir compte de toute cette complexité dont on a parlé précédemment. Donc personnellement, moi je suis très sensible, par exemple quand je vais au cinéma, je regarde un film d'action, j'ai l'impression que je vais tout casser en sortant de là, j'ai l'impression que je suis un super-héros, tu vois, j'ai envie de faire plein de trucs, je me sens capable de plein de choses. Alors je sais pas si je suis tout seul, mais je pense qu'il y a d'autres gens comme moi, et YouTube, ça échappe pas à cet effet en fait. En sortant d'une vidéo, on peut penser, ah ouais, ça serait mortel d'essayer, peut-être que je peux le faire, ça a pas l'air si infaisable que ça, et sans vraiment à nouveau réaliser la complexité de ce genre d'épreuve sportive. Donc ce que je ne souhaite surtout pas véhiculer comme message, hein, c'est vraiment, je ne souhaite pas dire aux gens qui vont nous écouter, au Bonito, de ne pas se lancer. Vraiment, loin de moi l'envie de faire penser que les ultra-trailers sont l'élite et font des trucs inaccessibles, mais alors, clairement pas. Vraiment, je pense au contraire que tout le monde peut s'y mettre et que c'est qu'une question de passion, parce que la passion c'est vraiment un gros moteur pour mettre de l'énergie et de temps, finalement. Il va falloir y passer du temps. Mais l'un induit l'autre. Si tu es passionné, finalement, tu y passeras du temps. Donc, quelque part, je pense que c'est vraiment une question de passion et de temps disponible pour la réaliser. Donc, ce que je veux dire, c'est pas de ne pas faire, c'est pas que c'est l'élite, c'est surtout qu'il faut pas perdre de vue qu'un ultra, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Là, pour le coup, je peux me permettre de dire que je sais de quoi je parle et qui met énormément à l'épreuve le physique et le mental. J'ai douillé, mais comme jamais de ma vie, c'était sur ce genre d'épreuve, en fait. Finir, juste le projet de finir, donc simplement être finisher. Une telle épreuve, ça nécessite une énergie énorme et une bonne connaissance de soi. Donc la motivation et l'adrénaline qu'on peut avoir en sortant d'une vidéo, si épique soit-elle montée, n'est à mon sens pas une source d'énergie suffisamment forte pour être à l'épreuve du terrain, donc face à la réalité des choses, finalement. Donc tout ça pour vous dire, les bonitos, que prendre la décision de s'inscrire à un truc gigantesque, je dis relativement à soi-même, hein, relativement à ce qu'on a déjà fait, juste après avoir regardé une vidéo sans prendre le temps d'évaluer ses capacités, c'est finalement prendre le risque de partir trop vite sur trop gros et ça pourrait avoir deux conséquences qui sont pas terribles. La première, déjà, c'est de ne pas profiter du chemin qui mène à l'ultra ou qui mène à la course longue en question. Pas profiter du chemin, finalement, c'est pas prendre le temps de commencer par petit, de découvrir petit à petit les enjeux, la complexité, finalement d'évaluer les caractéristiques de ce sport et ses enjeux. C'est se passer d'un certain voyage. Et la seconde, c'est tout simplement de se dégoûter, en fait. C'est d'arriver sur trop gros, se dire que c'est trop dur et plus jamais retenter. Donc la mise en garde dont je parlais au début, Ebonito, et vous l'avez sûrement compris maintenant, c'est la suivante, c'est n'oubliez pas que YouTube, ce n'est pas la réalité. YouTube, ça occulte les heures et des heures de silence et d'épreuves physiques difficiles pour finalement ne laisser à vos yeux que de beaux paysages et des gens qui se donnent à fond. Mais la réalité du terrain, clairement, c'est pas ça. Se lancer sur un ultra, c'est pas très compliqué, mais pour le finir, faut avoir avec soi des sacrés bagages. C'est dans ces bagages, des choses essentielles, une très bonne connaissance de soi, mais ça, elle s'acquiert sur le terrain, c'est-à-dire en ayant déjà pratiqué précédemment des plus courtes distances ou des distances en général. Et c'est un engagement physique et mental qui soit vraiment à l'épreuve des balles, hein, donc faut vraiment être à fond pour finir un ultra et arriver vraiment à survivre à tous ces déboires dont j'ai parlé plus haut, à toutes ces variables finalement, et toujours vraiment avoir une certaine dose d'appréhension et d'humilité. Voilà, sur ce, les bonitos, éclatez-vous et prenez soin de vous. Masse quoi. Là, tu m'as cassé un mythe, là, Emir, parce que moi, je voulais courir un marathon avec toi après avoir visionné une de tes vidéos. Donc, t'es en train de me dire qu'un marathon, c'est pas juste taper la discute au gars de la voiture balai, passer l'arche d'arrivée sous les acclamations d'une foule en délire, et notamment avec une supportrice de choc, ta maman, Emir. Donc, t'es en train de me dire que tout ça, c'était que de la poudre aux yeux, quoi. Et non, ces moments ont existé, mais n'oublions pas que c'est une sélection de tous les moments et qu'il y a eu des moments beaucoup moins rigolos, notamment des moments que je n'ai pas montré sur la course dont tu parles, je vais la citer, il s'agit du marathon de Sénart, ouais, qui a eu lieu comme chaque année le 1er mai. Et en fait, ce marathon comporte de très longues lignes droites que cette année on a vécues sous le cagnard, et on en voit quoi ? On en voit que 4-5 secondes où je dois expliquer avec une voix plus ou moins détachée qu'il fait très chaud, et que c'est difficile, voilà. Mais bon, en gros, pas suffisamment pour qu'on se dise vraiment « Merde, il en a vraiment chié ». Ce qu'on va retenir de cette vidéo, au final, c'est que c'est super cool que j'ai pu finir ce marathon avec ma sœur, et qu'à la toute fin, il y a ma mère qui nous a encouragés. Et ça efface tout, en fait. Ça efface tous les micro-moments de difficulté que j'ai pu laisser transparaître au moment de la vidéo. Mm-mm. Voilà. Sauf pour les viewers hyper attentifs qui analysent tout. Eux, ils le verront. Mais voilà, je pense que le commun des viewers, ils vont en sortir de là en se disant « Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de faire le marathon avec tel ou tel proche. » Ok. Bon, donc du coup, je ne raccroche pas encore mes baskets, on peut encore faire un marathon tous les deux. Ah bah, attends, tu sais ce que c'est qu'un marathon. Donc, donc let's go. Maintenant, voilà, okay. C'est plus engagement, c'est plus une mise en garde à ceux qui ne savent pas et qui auraient tendance à se dire que c'est pas si difficile que ça, voilà, n'oublions pas de ne pas négliger la difficulté d'une telle épreuve. Ouais. David, est-ce que toi tu utilises YouTube comme source de motivation ou pas ? Est-ce que tu as en tête une vidéo en particulier qui t'aurait marqué et poussé à vouloir faire des trucs de ouf ? Il y a plusieurs choses, moi, que je regarde sur YouTube. Déjà, il y a un petit clin d'œil par rapport à la référence au cinéma que tu prenais, Emir. Je regarde souvent ça m'est arrivé pour le fun, hein, mais quand même, de regarder des vidéos, des extraits ou des scènes de Rocky 3. Film que j'ai vu au cinéma quand j'étais plus jeune, et c'est un grand souvenir parce que on l'a vu, c'était dans une salle avec pas mal de monde, une vieille salle, hein, dans une petite ville, et dans le combat final, tout le monde était debout sur les sièges, tapait des pieds, tapait des mains, encourageant Rocky. C'était assez surréaliste. Donc je regarde de temps en temps ces scènes, des scènes qui m'inspirent, qui me font rigoler, mais en même temps qui m'enthousiasment aussi. J'utilise YouTube aussi parce que la musique me motive énormément. Mmh. Et donc je regarde des artistes qui me plaisent et j'y pense même en courant. Et donc, c'est, je ne sais pas comment expliquer ça, mais regarder quelques clips d'artistes qui me plaisent m'incite à me bouger le huc. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça me stimule. Sinon j'utilise par rapport à la course à pied, on est vraiment dans la course à pied, je regarde des vidéos, trois vidéastes, enfin en tout cas trois youtubeurs en particulier. D'abord Émir et Carole. Bien sûr je suis leurs aventures et ce qu'ils font parfois m'inspire, me donne envie de participer à certaines courses. Voilà, c'est aussi parce que je les connais, donc il y a la part affective qui fait que j'adore suivre leurs aventures. Je suis aussi beaucoup Vincent Godin, en fait, qui est un personnage aussi qu'on connaît sur les réseaux sociaux, qui est aussi un YouTuber, qui a un site qui s'appelle Journal du Trail, je crois aussi, qui voyage énormément. Pour le coup, il y a le côté vachement dépaysement, paysage et tout ça qui est très mis en valeur avec lui. Donc j'aime beaucoup suivre ses vidéos. Et je suis aussi énormément les vidéos de Stéphane Brognard. Alors pour le coup, c'est beaucoup plus produit, c'est vraiment plus grosse production parce que je pense qu'il y a une agence derrière qui le suit à travers des aventures, des défis. Et ça m'inspire aussi parce que, bah, en tout cas, dans les trois cas, en fait, on est dans l'ultra. C'est des choses qui me stimule en fait, vraiment, qui me donne envie vraiment juste après lecture ou visionnage de mettre les baskets et d'y aller. J'y pense très fréquemment. Je pense très fréquemment à ces trois youtubeurs. Voilà. En fait, moi je vais en avoir vraiment plein, mais du coup, ce serait compliqué de tous les citer, mais pour dire rapidement ceux que je regarde souvent, il y a Joday, ouais, qui est une chaîne de trail qui est vachement dans le même esprit que nous, c'est-à-dire c'est pas du tout élite, c'est vraiment quelqu'un qui voyage, qui fait des vidéos simples, des vlogs en fait simples de course. C'est vrai aussi, je regarde. Et qui voyage pas mal, qui est vraiment dans le côté voyage et pas performance, quoi. Il y a ce détachement à la performance qui est évident chez lui, c'est pas un élite, quoi. Et voilà, on est bien potes aussi dans la vraie vie. Je regarde pas mal Julien de la chaîne C'est bien d'être bien, qui fait des vidéos également de courses. Alors c'était plus fréquent avant, ça l'est moins maintenant, mais c'est quelqu'un qui met aussi beaucoup, il y a sa patte créative dans ses vidéos autour de la course à pied. Il y avait parfois un peu de conseils avant, maintenant c'est surtout des vlogs de course. Et voilà, j'aime bien parce qu'il essaye d'ambiancer à sa façon. J'aime bien parce qu'il est vraiment très, il aime bien accompagner des gens, ça sent. Enfin, c'est quelqu'un qui aime bien ambiancer les courses, qui aime bien faire de la course un moment humain en fait. Donc je regarde aussi pas mal ce qu'il fait. Et quand on le voit, ça donne envie d'y être parce qu'on se dit si je faisais la course avec un mec comme ça, ça serait vraiment drôle, quoi. En particulier pour des, je pense, des personnes qui courent pas souvent. Enfin, t'as vraiment l'impression, en le regardant, que si t'étais à côté de lui, ça serait juste un moment de fun. Plus qu'une course qui a peut-être tendance à être vue comme quelque chose de difficile ou quoi. Lui, il y a tout qui est amusant. Enfin, voilà, il y a sa petite patte créative et amusante. Donc ça, c'est les deux principaux que je vais suivre. Je suis aussi un peu Bruno Poulnard, mais il n'est pas très actif. Mais à une époque, il faisait pas mal de vidéos. Alors lui, c'est pas du tout du vlog. En fait, ça va être de la vidéo où il va montrer les images de ses courses. Sur des grosses courses en fait, et il parle pas. Lui, son truc, c'est surtout de montrer les images, de faire un montage pour la montrer un petit peu comment il a vécu la course. Pas comment il a vécu la course finalement, parce qu'il le parle pas, mais comment sa vision de la course qu'il avait envie de nous montrer sur cette course finalement. Et on a parfois un petit peu le kilométrage quand il passe à des endroits. Parfois, en fait, c'est surtout des clips musicaux avec de très belles images. C'est vraiment bien foutu. Il y a Zinzin Reporter, très connu également. Donc Zinzin, je pense qu'il bosse à la télé. On me dit souvent qu'il bosse à la télé, mais comme j'ai pas la télé, je sais pas ce qu'il fait à la télé. Mais ouais, il fait des ultras assez fous et il fait très belles vidéos aussi qui sont très inspirantes. Je pense que je vais m'arrêter là, sinon je vais en citer 10 millions. Tu utilises YouTube comme motivation aussi? Honnêtement, enfin, peut-être pas comme motivation. Je pense pas qu'en regardant une vidéo des autres qui font du YouTube sur de la course à pied, ensuite j'ai envie de me dire vas-y, je sors okay, et j'ai envie d'y aller. Pourquoi je pense, c'est tout simplement parce que comme j'ai déjà vu dans la vraie vie ce qu'ils ont fait, j'ai pas ce côté magique. Donc en fait, ouais, mon cerveau, il fait un détachement et je vais peut-être trouver plus la motivation dans un truc à la con, genre un montage hyper punchy, genre ce que j'ai parfois tendance à faire pour m'amuser, ou un Rocky 3, comme disait David, mais une vidéo de grosse course. Finalement, non, je l'utilise pas comme motivation. C'est plus pour inspirer sur d'éventuels futurs trucs. Ou pour voir comment les autres produisent aussi. Moi, c'est un peu le regard YouTuber là qui fait. Parce que tu fais déjà du YouTube, toi. Ouais. Ouais. Voilà, j'ai passé trois plombes à répondre à la question. J'avais des trucs à dire. Bah écoute, très bien. Ça... Et du coup, pour revenir sur la motivation de YouTube, finalement, le problème, il est où? Il est au niveau de la limite entre donner de la motivation et garder quand même son bon sens et son côté voir la réalité des choses pour faire la part des choses. Voilà. Tout à fait. C'est vérifier bien vos capacités physiques et vos capacités en fait tout court avant de vous lancer sur une course. Mais j'ai l'impression que c'est... J'aime pas dire ça, j'ai l'impression que c'est infantilisant et moi j'ai pas envie de brider les gens en fait. Mais je crois qu'il faut peut-être parfois le dire parce que je pense que malgré l'envie de bien faire et de motiver, bah en fait, le dommage collatéral, c'est qu'on va se retrouver avec des gens qui utilisent nos vidéos comme outil de motivation, mais qui vont moins avoir qui vont moins le nuancer comme il le faudrait en se disant « Ok, ça a l'air mortel, mais c'est pas pour maintenant. » Il y a des gens qui n'ont pas ce genre de barrière, en fait, qui ont moins ce genre de barrière. En même temps, dans vos vidéos, vous faites aussi régulièrement des briefings. Ouais, c'est vrai ça. Moi, j'aime bien ça. Oui, c'est vrai. Donc, ça, quelque part, ça peut aussi... C'est en complément, en fait. Voilà, c'est ça, avertir un peu avant ou après la course comment vous vous préparez ou comment vous arrivez, dans quel état vous arrivez. Et une course, c'est des indications quand même. C'est des indications, mais c'est peut-être pas assez. Malheureusement, c'est peut-être pas assez. Parce que quand je regarde la caméra, que ce soit en course, là où ça devrait être le plus impactant, et ou après, et que je dis, là, je suis clairement dans un moment où je suis dans la merde, parce que moi, ça m'arrive de le dire, hein, par souci un peu de transparence, je dis parfois dans les vidéos, là, je sais pas comment je vais au bout de cette course. Là, je sais pas où je vais. Et ces moments-là, quelqu'un te le dit, mais t'es pas dedans. Tu sais pas comment ça se passe. Donc t'as juste quelqu'un, finalement, qui te dit, là, je suis dans la merde, mais tu le vis pas. T'as pas la douleur, en fait, tu vois. Et c'est encore moins flagrant quand tu fais un débrief chez toi dans ton canapé un peu après. T'as beau dire, j'ai galéré, je vous dis pas, c'était un truc de ouf, c'est pas impactant. C'est pas comme quelqu'un qui est allé sur place, qui a vraiment douillé et qui s'en rappelle et qui, du coup, se met à ta place quand tu dis ça. Quand tu l'as jamais fait, tu minimises, en fait. C'est quoi le truc que décrit la personne, la douleur que décrit la personne. Finalement, il vaut mieux pas aussi un petit peu, malgré tout, minimiser, parce que sinon, on le ferait jamais, peut-être, aussi. Il faut un petit grain de folie, aussi. Complètement. Ce grain de folie, je trouve qu'il est essentiel. C'est ce que je veux dire, c'est vraiment trouver une sorte de juste milieu, ce qui est extrêmement complexe. En théorie, c'est joli à dire, hein, le juste milieu. Dans la pratique, trouver le juste milieu, ça n'existe pas. Maintenant, c'est vraiment pour éviter qu'il y ait peut-être trop de gens qui se disent, à cause de ce mec qui a l'air d'être plus ou moins facile... sur des trucs longs, ce qui est faux, hein, je suis pas du tout facile, mais je veux surtout pas que mes vidéos soient interprétées comme, enfin mes vidéos ou celles des autres soient interprétées comme c'est Yalla, allez-y, ça va bien se passer forcément, tu vois, c'est non. Mm-hmm. C'est non, il y a cette complexité de faire des trucs très longs ou même pas des trucs très longs à son échelle à soi, hein, je veux dire, pas forcément pas parler des plusieurs jours en montagne, hein, même si c'est vrai que c'est ce dont j'ai tendance à parler, mais très long par rapport à soi, faut vraiment parfois penser à insérer des étapes, je pense. C'est une bonne pratique. Maintenant, quand on se connaît bien et quand on a envie d'être ouf, mais en bonne connaissance des enjeux, ok, allons-y tester un truc de ouf. Mais voilà, s'attendre à ce que la réalité soit difficile, quoi. C'est de la nuance. Tout ça est de la nuance. Je mets de la nuance dans cette folie qu'on peut avoir en regardant des vidéos. Et toi, David, est-ce que tu préférais, par exemple, quand un YouTuber il te montre la réalité des choses, quoi, ou bien tu préfères quand même garder un côté un petit peu magique? Ah non, franchement, moi je vais pas dire que je suis anti positive vibes, mais je suis pro authenticité et si j'ai tendance à me méfier quand je vois que des choses positives, je me dis on m'a caché des choses. Ouais. Alors c'est pour ça que C'est important pour moi de voir quand, quand Emir il se sent un peu dans la merde ou il dit voilà, là je suis complètement out et Carole est partie, elle est 10 km devant, je la rattraperai jamais, quoi, tu vois. Ces moments-là, ils me sont importants parce que, bah, voilà, quoi. Si on voyait que les meilleurs moments, et puis l'arrivée, tout va bien, on est content, on a accompli, on a réalisé notre défi. Vraiment j'aurais un regard méfiant et ça aurait plutôt tendance à me faire fuir, quoi. Mais en même temps, moi j'ai conscience que il risque d'y avoir de la difficulté dans les courses et j'ai pas, en même temps je ne vois pas énormément de youtubeurs dans ceux que je regarde, hein, qui m'ont l'air de tricher par rapport à ça, hein. Je pensais, quand je citais par exemple Vincent Gaudin, quand lui en a marre, complètement marre, qu'il s'emmerde dans une course ou que c'est vraiment dur ou qu'il a mal parce qu'il y a trop de bitume ou parce qu'il fait trop chaud, etc. Il le dit clairement et ça a tendance à m'amuser, mais à côté de ça, il y a les paysages, il y a souvent effectivement un défi qui est réalisé au bout. Et l'ensemble, ben, il me paraît authentique et il me donne plutôt tendance à me stimuler. Par contre, oui, si on me balance une vidéo YouTube avec les meilleurs moments et je danse et je rigole et j'ai la musique qui va bien avec et tout, et puis je termine avec la petite médaille ou même les petites larmes surjouées à la fin, tout ça, là, je marche pas. Ouais, mais parce que t'es lucide aussi. Mais est-ce que c'est pas dangereux pour d'autres personnes qui seraient plus crédules? Parce qu'il y en a beaucoup des vidéos comme ça où tout... Où tout est super. Tout est rose, ouais. Mais je les vois pas. Personnellement, je les vois pas. Je suis pas forcément abonné à énormément de youtubeurs liés à la course à pied. Mais c'est pour ça que j'ai pas forcément cette impression. Après, c'est en général pas forcément sur YouTube. Moi, j'ai pas d'idée précise sur YouTube. Ça peut être Instagram YouTube, aussi, quoi. Même, ouais, voilà, même, c'est pareil, même de la photo, même, quelque part. Ouais. Même juste un truc qu'on soupçonne pas, c'est... les vidéos institutionnelles, les vidéos de com des courses, c'est pas des youtubeurs, mais le machin, elle est faite pour que t'aies envie d'y aller sur le truc. Et il te montre des coureurs qui sont au top, hyper stylés, dans des paysages hyper stylés, et ils se garderont bien de te montrer quelqu'un qui est en train de claquer sa mère à la Croix-Rouge. Bon, après, t'as quand même de la musique de Gladiator derrière, tu vois, qui t'incite quand même à penser qu'il y a une épreuve. Après, oui, il y a de belles images aussi qui sont liées à l'environnement, et ça, bien sûr. Genre, même quand t'es dans la difficulté, l'environnement est là. Bon, après, tu le vois pas forcément, mais on n'est pas dans la triche. Mais je suis d'accord, quoi, dans les vidéos institutionnelles, je pense par exemple ici au Trail Côte d'Opale qu'on a, il aurait plutôt tendance à montrer que des super moments et le monde, et on est tous heureux, et coucou à la caméra, quoi. Vidéos avec les séquences avec le drone, oui, c'est motivant parce que c'est chouette et tout. C'est vrai, ça ne rend pas compte de la complexité de certains passages. Et souvent, effectivement, quand on les vit, la course est nettement plus dégueulasse que ce qu'on voit sur la vidéo, quoi. Mais bon, ouais, je pense que peut-être que le défaut que j'ai, c'est que je suis suffisamment averti, en fait. Enfin... Mais tu sais, ça me fait penser aussi... Moi, avant de connaître Emir, je le connaissais juste par... par les lapins runners et t'étais vachement déçu, quoi. non pas du tout, mais t'avais l'impression, même si je pense pas être très crédule, je pense savoir que c'est difficile de faire conscience. Des ultras, ouais, c'est conscient du fait de la difficulté des ultras et tout, malgré tout j'avais l'impression que c'était, enfin, pas facile pour Emir et Carole, mais qu'en majorité c'était positif, quoi. Et tu vois, le fait de connaître Emir, parce que il est arrivé pendant des courses où qui faisait des courses et qui nous discutait sur WhatsApp, tu nous as fait des petites vidéos, tu nous as fait des audios, et tu vois, tous ces moments là ben ça le rend beaucoup plus humain. Et puis du coup on se rend compte plus de la difficulté, et ça, moi j'aime, tu vois, et j'aimerais voir ça aussi sur YouTube et sur Instagram aussi, enfin, c'est ça la vraie course. Oui. Oh, mais je pense que dans les vidéos d'Emir, on voit des passages difficiles Mais je trouve qu'encore plus, tu vois, parce que le fait qu'on discutait sur WhatsApp et tout ça, je m'en suis rendu compte encore plus. Je trouvais ça bien. Et je me disais, s'il pouvait le retranscrire encore plus dans ses vidéos, ce serait cool. Mais comme tu disais dans ta chronique, quand t'es dans le dur, quoi, t'apprends... filmer ou faire un truc, c'est le dernier de tes soucis. Et heureusement, encore heureux, quoi. Tu vois. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est pour ça que j'en parle. Du coup, moi, en fait, je fais l'effort. Dans certains cas, je fais l'effort de me dire, là, je veux prendre la caméra pour dire que je suis dans la merde. Et ensuite, je la repose pendant des heures, tu vois. Mais en gros, ça me tient assez à cœur. Et malgré ça, il y en a très très peu qui regardent toutes les vidéos. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Hein. Du coup, ils en voient que quelques-unes à droite à gauche. Et il suffit qu'ils aient pas vu les vidéos où je mets des moments où je suis vraiment, on voit que je suis faillible en fait. Hein. Et ben en fait, on me prend pour un robot. Ça arrive souvent. On me voit sur un marathon où ça s'est bien passé. Et on me voit sur un trail où ça s'est bien passé. On me voit sur un autre trail où peut-être j'ai pas mis beaucoup de moments où ça allait pas bien ou parce qu'il y en avait pas en fait. Ça allait globalement bien, bah en fait, ouais, ça arrive souvent dans la vraie vie, on vient me voir et j'ai l'impression d'être un robot, quoi. Alors que je suis blindé de failles, hein. Je suis la seule force que j'ai, et ce que j'essaye de dire aussi dans cette chronique, c'est que j'ai beaucoup de pratiques sur le terrain, et du coup, à force de se connaître, bah en fait, on sait mieux comment parer ses failles. Et c'est comme ça qu'on avance. Enfin, sur un ultra, pour moi, c'est en parant ses failles, en les connaissant à l'avance du coup et en sachant comment les parer, bah c'est comme ça. Mais qu'on réussit quoi, qu'on finit. Mais ouais, les failles, j'en suis blindé et ça ressort peut-être pas assez. Voilà, les vidéos, l'Instagram, les machins, on voit. Si tu prends notre Instagram par exemple, la part runner, bah en fait ce que tu vois dessus, et c'est juste parce que c'est les moments qui nous viennent en fait. Ce que tu vois, c'est des gens, deux personnes qui finissent des ultras avec des médailles et en train de sourire. Tu te dis, alors là, c'est quoi ces gens-là? C'est juste des robots qui finissent des ultras tous les périodes régulières, quoi. Et qui se finissent, ils sont frais, tu vois. Tu nous vois pas en train de dégueuler, tu nous vois pas en train de mourir ou de dormir, tu sais, il n'y a pas ces images sur Insta. Donc les gens qui nous connaissent que sur Insta, alors pour eux, on est des putains de robots, hein, alors que c'est faux. Je sais même pas si c'est votre faute à vous, parce que je pense que même l'être humain en général, on a envie de retenir que les bons moments. Donc aussi, on va regarder une vidéo, on va retenir que le bon truc, quoi. Vous êtes arrivé, c'était dur, ouais, mais on oublie ça. Enfin, on a envie de l'oublier, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est ça. Donc non seulement les images que tu mets, toi, t'as tendance peut-être, même sans le vouloir, à mettre des images un peu sympas, parce que t'as envie que là, on ressorte avec une bonne expérience. Et en plus, t'as ce biais-là, comme tu dis, c'est que tu vas voir la vidéo, tu vas oublier les moments où le mec, il a dit, là, je suis dans le cake, parce qu'à la fin, il aura sa médaille et il va dire, putain, c'était mortel cette course, je suis content de l'avoir fait, c'est un accomplissement de ouf, sur fond de musique épique, tu vois. Donc c'est clair que ce moment-là, il vient écraser tout ce que le viewer pas très sensibilisé aura vu de dur juste avant. Comme je le dis dans la chronique, il va juste faire passer ça pour un moment de difficulté nécessaire pour que le moment devienne épique et pour que le moment, finalement, on cherche à le vivre. S'il n'y avait pas de difficulté, ce serait pas marrant. Je suis d'accord que le fait qu'on connaisse Emir, peut-être qu'on voit les vidéos des lapins runners différemment et qu'on les voit plus humainement. Je pense, ouais. Parce qu'il y a un côté plus affectif. Ça, c'est possible. C'est possible. Ça lisse peut-être moins l'image parce qu'on sait ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais, peut-être, parce qu'on voit autre chose, parce qu'on sait, parce qu'on en discute aussi, et puis parce qu'on sait ce qui s'est passé avant, parce qu'on sait dans quelles conditions il va démarrer une course, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Ouais, donc c'est vrai que bon, est-ce qu'on peut en vouloir aux youtubeurs? Je pense pas, c'est difficile de... D'édulcorer, tu veux dire? Ouais, est-ce que c'est tromper les internautes, ce que montrent les youtubeurs? Est-ce que c'est édulcorer la réalité? Je sais pas. Après, ça aussi à chacun d'être lucide. Et, C'est ça, peut-être, ouais. YouTuber, c'est trompé. Instagrammer, c'est trompé aussi. Instagram, ce n'est pas la vraie vie. Merci de le rappeler. Je sais pas. J'étais pas totalement d'accord avec ce que vous disiez avant. Moi, je me sens vraiment imperméable à... Ouais, mais parce que t'es assez fort, peut-être. Mais malheureusement, il y en a qui ne le sont pas, quoi. Je peux pas nier non plus que je suis assez fort, c'est sûr. En toute modestie. Modestie, ouais. En toute modestie, je pense que Dieu m'a fait extrêmement solide. Mais j'ai rien demandé. Mais... Bien. Les gars, je pense que le temps est venu de se dire au revoir. Ah bon, carrément. Salut. Ouais, ma pirate, là. Ça y est. On s'est bien amusé quand même. Hein. Ouais, ça m'a plu. C'est clair. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rechante avant de s'écouter? C'était pas mal, hein. Je suis faux. Superbe. Bon, les bonitos, n'hésitez pas à venir nous faire partager votre avis sur Discord. N'oubliez pas non plus de nous déclarer votre amour à l'aide de 5 petites étoiles sur iTunes. Les bonitos, on vous laisse passer à l'apéro. Vous avez le droit de boire un coup à notre santé. Profitez bien de votre été. C'est fait pour ça. Mais enfin, avec modération quand même. C'est le moment de relâcher la pression, de moins se poser de questions, d'ajouter une petite glace en dessert. Mais faites attention, hein. Restez sérieux, pensez à tous les efforts faits jusque-là. C'est mal barré. Toute ressemblance avec un certain discours prôné sur les réseaux sociaux est totalement non fortuite. Allez, on se retrouve à la rentrée, les gars? Peut-être un peu avant. Ou un peu avant la rentrée? Oh oui. Pour peut-être un épisode un peu spécial? On ferait peut-être un petit live en août. Voilà, on verra ça. On va réfléchir à ça. On tiendra les bonitos au courant via les réseaux sociaux. Avec plaisir, excellente idée. Mais sur Discord. Allez, mais bonnes vacances à vous les gars, bonnes vacances aux bonitos, and keep running. All right, keep running, poto. Ciao. Ciao, baby. Bye bye. 2 étoiles. Là, on va nous mettre 2 étoiles sur iTunes, ça va pas être compris quoi. Ah oui, mais je vais pas comprendre. 5 étoiles. 5 étoiles sur le maillot. Quand on est on air, faut jamais dire 2 étoiles, même si on gagne la Coupe du Monde.